Marnie Dixon, qui avait été aussi... La paire. Qu'est-ce qui... Mais ferme-toi ! Alors comme ça, vous n'avez pas envie d'entendre votre fenêtre claquer toute la journée ? Pour un été à prix doux jusqu'au 3 août, La Paire vous offre jusqu'à moins 25% sur les fenêtres graphiques en aluminium sur mesure. Écoutez comme c'est calme. Chérie, t'es où ? La Paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie. Conditions sur lapaire.fr. Je vous propose cette semaine de redécouvrir une série d'émissions enregistrées autour de la philosophie des comédies musicales. Aujourd'hui, deuxième temps, West Side Story. Le 26 septembre 1957, la comédie musicale West Side Story voit le jour au Winter Garden Theatre de New York. Elle y sera jouée 732 fois avant de rejoindre les planches du Broadway Theatre, puis celle de Londres et de Paris, où l'on pouvait encore l'admirer en 2007, 50 ans plus tard. Le 27 septembre 1957, on peut lire dans le New York Times « West Side Story est un travail incandescent qui trouve des fragments de beauté insolites parmi la vermine de la rue. » 5 ans plus tard, le film, issu de la comédie musicale, rafle 10 Oscars et s'installe durablement dans l'imaginaire occidental du monde entier. Deux familles, égales en noblesse, dans la belle Vérone où nous plaçons notre scène, sont entraînées par d'anciennes rancunes à des rixes nouvelles, où le sang des citoyens souille les mains des citoyens. Des entrailles prédestinées de ces deux ennemis a pris naissance, sous des étoiles contraires, un couple d'amoureux, dont la ruine néfaste et lamentable doit ensevelir dans leur tombe l'animosité de leurs parents. Les terribles péripéties de leur fatal amour et les effets de la rage obstinée de ces familles que peut seule apaiser la mort de leurs enfants vont, en 2 heures, être exposés sur notre scène. Si vous daignez nous écouter patiemment, notre zèle s'efforcera de corriger notre insuffisance. Bonjour Patrick Nedeau. Bonjour. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Merci. Entre Shakespeare et Michael Jackson se trouve West Side Story. C'est une bonne manière de commencer à en parler. Mais c'est une bonne manière de commencer à en parler. C'est surtout le fait que Michael Jackson a véritablement rendu hommage à West Side Story, puisque Beat It, c'est le premier mot qui est dit dans West Side Story après 7 minutes de prologue. Et quand on regarde le clip de Beat It, on s'aperçoit que c'est aussi deux bandes rivales qui se battent, exactement la même histoire que West Side Story. Donc il a vraiment voulu rendre hommage à West Side Story. Quand on lit les paroles de la chanson aussi, on voit bien que c'est l'enjeu, c'est ça. Hein, c'est deux groupes qui s'affrontent, absolument, qui se battent. Absolument. Et West Side Story, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que dès le début du film ou dès le début de la comédie musicale scénique, on a deux groupes qui s'affrontent et on n'a pas besoin d'explication. On le voit très bien dans la chorégraphie et c'est la chorégraphie qui fait justement avancer l'action. C'est ça qui est extraordinaire dans West Side Story. C'est que c'est cette chorégraphie qui fait qu'on comprend qu'on a deux bandes rivales. Voilà. Mais c'est aussi l'héritière, si on parle de la comédie musicale, de Roméo et Juliette. Le scénario, en fait, a été écrit par Shakespeare. Deux personnes tombent amoureuses, ces deux personnes, Roméo d'un côté, Juliette de l'autre, eh bien, appartiennent à deux clans rivaux. C'est ça. Mais il faut pas oublier que le travail du scénariste, on va dire, le travail de celui qui a écrit le livret, qui est Arthur Lawrence, est un travail extraordinaire par rapport à justement Roméo et Juliette. C'est-à-dire que Roméo et Juliette a un certain nombre de choses, comme un suicide à la fin, comme en effet des 5 actes. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est très long. Et le scénariste ou celui qui a écrit le livret, on va dire, celui qui a écrit le book, comme on dit en anglais, a écrit quelque chose qui est en fait sur 24 heures. Et c'est ça qui est extraordinaire dans West Side Story, c'est que l'histoire se tient sur 24 heures et donc n'a presque plus rien à voir avec Roméo et Juliette. Ah oui, vous iriez jusque-là ? Bien sûr, puisque... C'est difficile de ne pas y penser quand on regarde bien le film. Bien sûr, mais de toute façon, l'inspiration... Parce qu'à la scène du balcon qu'on entendra tout à l'heure. L'inspiration est là, puisque de toute façon, l'inspiration de Jérôme Robbins en 1949, quand il y pense pour la première fois... Donc le chorégraphe ? Le chorégraphe, absolument. C'est vraiment Roméo et Juliette. C'est-à-dire qu'on lui demande, c'est Montgomery Clift qui lui demande un peu d'aide pour travailler son Roméo dans Roméo et Juliette. Et Jérôme Robbins se dit, tiens, c'est peut-être une histoire que je pourrais monter en comédie musicale. Ça met 8 ans à se monter. Mais en effet, on en parle dès 49. Alors racontez-nous l'histoire de la comédie musicale. Puisque je l'ai dit dès le début de cette émission, il faut bien distinguer la comédie musicale 1957 du film 1961. On va principalement ce matin entendre des extraits du film, évidemment pour des raisons pratiques évidentes, et on comparera les deux. Alors, comme je vous l'ai dit, l'histoire commence en 49. Et on sait que ça commence en 49 parce que Leonard Bernstein tenait un journal. Et donc, on a toutes les dates où Jérôme Robbins l'a contacté. Et Bernstein tout, qui compose la musique. Qui a composé la musique. Et en fait, ça commence le 6 janvier 49. C'est-à-dire que dans son journal, Leonard Bernstein écrit « J'ai été contacté par Jérôme Robbins. Il a une idée un peu farfelue. Il veut monter un Roméo et Juliette des temps modernes avec des juifs et des catholiques. » Et c'est la première fois qu'on en entend parler dans le journal de Leonard Bernstein. Et puis, il va... C'était East Side Story à l'époque, non ? À l'époque, c'était East Side Story. Il y a eu plusieurs scénarios. Il y a East Side Story, bien entendu, avec les juifs et les catholiques. Il y a eu les Italiens contre les Irlandais. Et puis finalement, en 1955, tout le monde tombe d'accord sur une guerre des gangs entre les Portoricains et, on va dire, des blancs de peau. On va pouvoir en parler après. Évidemment, maintenant, c'est plus tellement politiquement correct de dire tout ça. Mais à l'époque, c'est véritablement ça. On a des petits blancs becs contre des basanés. Et c'est exactement ça, West Side Story. Et ça met du temps à se monter. Et à partir du moment où on décide, en 1955, de monter West Side Story, le projet est lancé, on trouve un producteur qui finalement ne le fera pas. Et puis finalement, on trouvera Harold Prince qui va produire la comédie musicale. Et puis, vous l'avez dit, en septembre 1957, la comédie musicale arrive à Broadway. C'est pas un énorme succès. C'est pas... Alors, on a dit, vous avez dit 732 représentations. Oui, ils sont partis en tournée, puis ils sont revenus. Donc, le total, c'est 981 représentations. Mais c'est pas un énorme succès. On a des plus grands succès que ça. Par exemple? À cette époque... My Fair Lady, My Fair Lady, La Mélodie du Bonheur, 59. Mais le plus important, c'est ce que West Side Story a laissé. C'est-à-dire, c'est une œuvre unique. On peut dire, oui, on pourrait dire éventuellement, ça a ouvert quelques portes, mais ce n'est même pas ça. West Side Story est une œuvre absolument unique. Parce que pour la première fois et la seule fois de toute l'histoire de la comédie musicale américaine, c'est la chorégraphie qui fait avancer l'action, en même temps que les chansons. La définition d'une comédie musicale, c'est... une pièce de théâtre en musique dont les chansons font avancer l'action ou expliquent la psychologie d'un personnage. Ça, c'est la définition de la comédie musicale. Mais là, c'est la chorégraphie qui fait avancer l'action, la chorégraphie de Jérôme Robbins. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et depuis West Side Story, on n'a jamais eu ça. Alors, ah oui, donc ni avant ni après. Ni avant ni après. Véritablement, West Side Story est une œuvre unique. C'est pour ça que j'aime bien dire ce mot plutôt que le West Side Story a lancé quelque chose. West Side Story est une œuvre unique. Monique Berger, cette nuit, le palmarès du cinéma le plus prestigieux a été établi. Je veux parler des Oscars. Des Oscars, et cela s'est passé au Civic Auditorium de Santa Monica, tout près de Hollywood. C'était la 34e cérémonie de la distribution des Oscars. C'est le fantaisiste Bob Hope qui présentait cette cérémonie aux spectateurs et aux téléspectateurs, parce qu'on estime à 100 millions le nombre des personnes qui ont assisté à la remise de ces Oscars par le truchement de la télévision. West Side Story recevait l'Oscar du meilleur film. Il reçut celui aussi de la meilleure direction. Tandis que George Chirikis recevait l'Oscar pour le meilleur comédien d'appoint pour son rôle dans West Side Story et que Rita Moreno le recevait pour la même raison et pour son rôle dans le même film. Au total, West Side Story reçut 11 Oscars. Why, if it ain't Lieutenant Shrank. Top of the day, Lieutenant Shrank. And Officer Grubke. Top of the day, Officer Grubke. Alors, lequel de ces Portoricains t'a esquinté? Hein? Ben, monsieur... Lequel? Écoutez tous! La rue n'est pas à vous, graine de gangster. Je commence à en avoir assez de ces bagarres perpétuelles. Vous voulez vous entretuer? Entretuez-vous alors, mais allez faire ça ailleurs que dans mon secteur. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur. Vous ne pourriez pas traduire ça en espagnol? Toi et tes potes, taillez-vous, Bernardo. Et ne remettez plus les pieds ici. Et venez, les jets, allons ailleurs. When you're a jet, all the way from your first cigarette to your last dying day. When you're a jet, let them do what they can. You've got brothers around, you're a family man. You're never alone, you're never disconnected. You're home with your own, when company's expected, you're well protected. Then you are set with a capital J, which you'll never forget till they cart you away. When you're a jet, you stay a jet! Patrick Nedeau, vous êtes plutôt jet ou shark? Moi, je suis les deux, parce que les personnages sont aussi intéressants d'un côté comme de l'autre. En fait, West Side Story, je pense que c'est une œuvre tellement globale que si on commence à se dire « je préfère un tel ou une telle », c'est vrai que dans les chansons, évidemment, j'aime beaucoup Maria, par exemple, qui est une chanson extraordinaire. Et puis, la fin de West Side Story est merveilleuse, mais j'ai pas vraiment de préférence entre les Jets et les Sharks. Il faut rappeler que les Jets sont les petits blancs-becs et les Sharks sont les portoricains. Alors, avant qu'on commente davantage ce qu'on vient d'entendre, rebondissons sur la journaliste Monique Berger qui annonçait le résultat de la 34e cérémonie des Oscars. Elle annonçait que le film avait reçu 11 Oscars. J'ai moi-même dit qu'elle en avait reçu 10. En fait, il y a un Oscar d'honneur à ce moment-là. C'est ça, un Oscar d'honneur qui est donné à Jérôme Robbins. D'abord parce qu'il a été évincé du film en plein milieu du tournage. Jérôme Robbins est quelqu'un d'insupportable. Hein. Un grand génie, comme disait Leonard Bernstein, le compositeur. Un grand génie, mais un grand génie absolument insupportable. On a des copies de lettres que Leonard Bernstein faisait à sa femme, dans lesquelles il dit « Je ne supporte plus Jérôme Robbins, mais Jerry, comme il l'appelait, mais c'est un génie. » Et donc, voilà. Il était très dur avec les acteurs. Il leur demandait de ne pas se parler, de manière à ce qu'à l'écran, les gangs, la rivalité apparaissent de manière flagrante. Alors ça c'est surtout pendant le montage de la comédie musicale scénique, où, en fait, il avait créé un antagonisme entre les deux groupes. Il avait même fait lancer des fausses rumeurs d'un groupe sur l'autre. Et puis, il leur interdisait de manger ensemble. Il leur interdisait absolument tout. Et Anybody's, Lee Baker, qui est le personnage de cette femme qui est au milieu des deux groupes, on l'interdisait à tout le monde de lui parler. Ce qui fait qu'elle a fini en dépression, cette pauvre femme, parce que il fallait qu'il y ait véritablement sur scène un antagonisme. Et il y a même autre chose, c'est qu'à un moment, certains Jets ou certains Sharks n'étaient pas assez puissants, pas assez méchants. Et il a dit, mais à qui vous pensez avant de rentrer sur scène? Pensez à moi qui suis terrible et vous allez arriver sur scène et vous allez me détester, c'est ça que je veux. Et tout le monde dans les coulisses disait « Robbins, Robbins, Robbins !» Et tout le monde arrivait sur scène rempli de haine, en fait. Surtout pour le prologue, d'ailleurs. Et c'est pour ça que West Side Story est quelque chose d'extraordinaire. Sur les 10 Oscars, on peut revenir sur les 10 Oscars si vous voulez, sur les 10 Oscars, oui, c'est 10 Oscars officiels et un 11e, en effet, pour le travail de Jérôme Robbins, qui est absolument extraordinaire, aussi bien sur le film que sur la chorégraphie du spectacle. Voilà. Et donc la chanson qu'on entend, c'est en fait la présentation des bandes, des deux bandes hein, qu'on a un peu vues à l'écran, et l'intervention d'un policier. Ça c'est très important parce qu'il y a quelqu'un qui vient représenter la loi américaine, qui essaye de faire régner l'ordre, et on voit comment chacun des groupes revendique son identité, mais au fond, ce qu'on comprend assez vite, c'est qu'il y a une symétrie totale. C'est chacun croit être absolument différent de l'autre, mais ils se ressemblent beaucoup. Absolument, ils se ressemblent. Ce sont des sales gosses. Ce sont des sales gosses qui traînent. Ils traînent. Ils ne font rien de leur vie, ils ne font que traîner. Et dans le fait de traîner toute la journée, ils ont créé cet antagonisme entre les deux groupes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Portoricains sont américains depuis 1917. Et en fait, ils ont la nationalité américaine. Ce que même les Américains du 21e siècle ne savent pas. Vous posez la question à des Américains, vous leur demandez si les Portoricains sont Portoricains ou s'ils sont Américains. Ils sont Américains. Donc ça, c'est très important. On a deux bandes rivales, mais c'est deux bandes d'Américains. Donc, une des bandes est plus basanée que l'autre. Et puis, l'autre bande se croit, c'est-à-dire les Jets, se croit véritablement supérieurs parce qu'ils sont plus blancs que les autres. Alors qu'ils sont eux aussi des Polonais d'origine, ou peut-être leurs parents en tous les cas. Et donc... ils ne sont pas les Américains d'origine. Tout le monde sait que les Américains d'origine, ce sont les Indiens d'Amérique. Oui, c'est ça. Il y a très peu les Américains d'origine en réalité. Les seuls, ce sont les Indiens d'Amérique. Après, les premiers colons qui sont arrivés au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, ce ne sont pas des Américains d'origine. Et c'est véritablement cet antagonisme de deux groupes d'Américains, en fait, qui est terrible dans West Side Story. Est-ce la raison pour laquelle la comédie musicale a... bien marché, mais n'a pas été un raz-de-marée comme vous le disiez, c'est qu'en fait, le sujet politique, ce sujet politique, peut-être que les Américains n'étaient pas prêts à le recevoir, en fait, et d'aller voir un spectacle pour finalement regarder leur propre pays et les problèmes qui s'y trouvent. Vous avez tout à fait raison. D'abord, West Side Story est un sujet difficile, bien entendu, et puis vous avez quand même deux morts à la fin du premier acte, hein, donc... C'est pas si facile que ça, sur une scène de Broadway en 1957, de terminer un acte avec deux morts sur scène. Le rideau se ferme et on a deux personnes qui sont allongées par terre. C'est important de le dire parce que les Américains, même si la jeunesse est venue voir West Side Story, il faut pas oublier qu'en 1956, Elvis Presley arrive aussi. Et que donc la jeunesse voit un spectacle dans lequel on parle de jeunesse. Ça, c'est rare à Broadway dans ce temps-là. My Fair Lady ne parle pas de la jeunesse en 56. Et puis après, évidemment, La Mélodie du Bonheur, c'est pas véritablement un spectacle sur la jeunesse. Là, c'est un spectacle sur la jeunesse. Donc la jeunesse américaine va quand même aller voir ce spectacle. C'est vrai que c'est pas un immense succès, comme on aurait pu le croire. En tous les cas, c'est le film qui a fait ce succès extraordinaire de Oui, vous de distinguez West bien les deux, ouais. Oui, je distingue bien les deux parce que d'abord le film est extraordinaire et puis et le film pour, toute petite anecdote sur le film et les Oscars encore, il faut savoir que à cette époque-là, quand le film paraît, c'est Jugement à Nuremberg aussi qui est concurrent de West Side Story. Et Jugement à Nuremberg, c'est Montgomery Clift qui est aussi en lice pour un Oscar. Et c'est Montgomery Clift, je vous le rappelle, qui est l'instigateur de West Side Story, puisque c'est Montgomery Clift qui a dit à Jérôme Robbins, le chorégraphe, « Fais-moi travailler le rôle de Roméo dans Roméo et Juliette ». Et donc, la boucle est bouclée. En 61, avec les Oscars de 62, tout simplement parce que Montgomery Clift est nommé, mais ne gagnera pas d'Oscar. Et c'est véritablement West Side Story qui en gagne 10, en effet. Et Elvis Presley avait été pressenti pour le rôle. Oui, Elvis Presley, rôle. Richard Chamberlain. Alors, on Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, qui était enceinte. Donc. Et finalement, ce ne sont que des gens pas connus qui passent à l'écran. Mais qui étaient sous contrat. Donc en fait, vous savez comment fonctionnaient les contrats à Hollywood. Vous aviez un contrat de plusieurs années, en général c'était plutôt 7 ans, et vous deviez faire des films, c'est-à-dire qu'on vous envoyait faire des films, vous n'aviez pas vraiment le choix de quel film vous pouviez choisir justement. Donc c'est important de le dire, Audrey Hepburn était enceinte, il y a eu aussi Marlon Brando, mais il était un petit peu plus âgé, donc on l'a pas pris. Et puis en effet, on va plutôt vers Richard Barrymore qui est détesté de tout le monde, qui est détesté de Natalie Wood, qui est détesté de Jérôme Robbins, le pauvre. Véritablement, il a eu une sale période quand il a Richard Barrymore va jouer Tony, donc l'amoureux Tony, de Maria, l'amoureux de Roméo Maria, et Juliette, l'amoureux de Natalie Wood, et personne ne l'aime, ce garçon, et on ne voulait pas de lui, et c'est terrible. Et Rita Moreno qui reprend le rôle d'Anita, on ne voulait pas d'elle non plus, donc Jérôme Robbins a été odieux avec elle, mais terriblement odieux. Elle avait les pieds en sang tellement il la faisait travailler. Mais elle dit, parce qu'on l'a interviewée des années plus tard, et elle est toujours vivante, donc elle peut encore en parler. Elle dit, vous savez, oui, j'ai véritablement souffert, mais j'ai eu un Oscar. Voilà, donc c'est la conclusion. J'ai eu un Oscar. La fin justifie-t-elle les moyens ? C'est toute la question. Toute la question. On viendra à l'histoire amoureuse dans un instant, Patrick Niénau. Avant ça, je voudrais qu'on continue sur la question plus politique que soulève le film. On va entendre une discussion entre Anita et Bernardo, donc deux des Portoricains, sur la possibilité de la réussite aux États-Unis, sur la liberté qu'est la leur. Ils ne sont pas tout à fait d'accord sur le sujet. Et va s'en suivre la chanson sans doute la plus connue de West Side Story. Et je vous assure, chers auditeurs, que vous l'aurez en tête jusqu'à la fin de 2020. You know she has a mother, also a father. They do not know this country any better than she does. And you do not know it at all. Girls here are free to have fun. She is in America now. Puerto Rico is in America now. Oui. Elle n'a fait que danser, c'est tout. Avec un Américain qui n'est qu'un Polak. Écoutez-le, Smetek. Oh. Tu te crois astucieuse? Donnez-lui l'est et il travaille. Il est comme un livreur. Et toi, t'es quoi? Je suis assistant. Oui, et Chinos fait la moitié de ce que se fait ce Polak. Oh, ce Polak est américain. On a droit à la séquence publicitaire. Oui, ton père est Polak, ta mère est suédoise, mais t'es né ici. C'est tout ce qu'il faut, tu es un Américain. Quand je songe à ce que je croyais que ce serait pour nous ici, on est venu en toute confiance, avec nos illusions. En toute confiance, le cœur grand ouvert. Avec nos bras ouverts. On est venu la bouche grande ouverte. Oui, t'es venu, tu repartiras avec des menottes. Je repartirai dans une Cadillac. Air conditionné. Avec de l'or partout. Le téléphone. La télévision. Et des couleurs assorties. On reste un immigrant quand on se considère comme tel. Écoutez-la, au lieu d'un shampoing, elle s'est fait faire un lavage de cerveau. Ah, c'est... Elle a renoncé à Porto Rico et elle est amoureuse de l'oncle Sam. I like the island Manhattan. I know you do. Smoke on your pipe. And good letting go. I like to be in America. Okay, by me in America. Everything free in America. For a small fee in America. Okay. Buying on credit is so nice. One look at us and they charge twice. I have my own washing machine. What will you have though to keep clean? Skyscrapers bloom in America. Cadillac zoom in America. Industry boom in America. Wealth in a room in America. Lots of new housing with more space. Lots of doors slamming in our face. I'll get a terrace apartment. Better get rid of your accent. Life can be bright in America. If you can fight in America. Life is alright in America. If you're all white in America. Les plus beaux accords ainsi que les plus belles couleurs peuvent porter au sens une impression agréable, rien de plus. Mais les accents de la voix passent jusqu'à l'âme, car ils sont l'expression naturelle des passions, et en les peignant, ils les excitent. C'est par eux que la musique devient oratoire, éloquente, imitative, ils en forment le langage, et c'est par eux qu'elle peint à l'imagination les objets et qu'elle porte au cœur les sentiments. La mélodie est dans la musique ce que le dessin est à la peinture. L'harmonie n'y fait que l'effet des couleurs. Et c'est par le chant, non par les accords, que les sons ont de l'expression, du feu et de la vie. C'est le chant seul qui leur donne les effets moraux qui font toute l'énergie de la musique. Everywhere crime in America, organized crime in America, terrible time in America. You forget I'm in America. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, nous parlons de comédie musicale. Je viens de lire un extrait de Rousseau, figurez-vous, Rousseau qui loue les vertus du chant, car celui-ci est le mieux à même d'exprimer les sentiments de l'âme, mieux que les accords, mieux que l'harmonie, mieux même que la mélodie, c'est le chant qui dit la vérité. Et le chant, eh bien, celui que nous étions en train d'écouter à la fameuse chanson « America », avec l'accent forcé, hein, un peu grotesque aujourd'hui quand même, de l'accent soi-disant portoricain, il faut le dire, Patrick Niénau, que ce n'est pas la voix des acteurs que nous avons entendue et que ceux-ci, en tout cas celle-là, puisque là on parle de Rita Moreno, n'était pas au courant, elle pensait que ça allait être sa voix. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'à Hollywood, la plupart des acteurs ne savaient pas véritablement chanter. Donc, c'est pas du tout étonnant qu'on ait essayé de faire chanter certains acteurs et que finalement, à la dernière minute, on leur a mis une doublure. C'est le cas de Natalie Wood où Marnie Nixon fait sa voix. Marnie Nixon qui avait été aussi la voix d'Audrey Hepburn dans My Fair Lady. Il faut savoir que ça, c'est un procédé très très courant. On a en fait, dans l'extrait qu'on a entendu, qui est un extrait du film, c'est important de dire qu'il y a une différence entre cet extrait du film qu'on a entendu et la comédie musicale scénique. C'est-à-dire que ce morceau-là est fait avec les garçons et les filles. Alors que dans la comédie musicale, il y a juste les filles qui le font. Mais comme c'était un numéro assez gros, finalement on s'est dit ça passe mieux en film. Donc c'est une des petites différences qu'il y a entre la comédie musicale scénique et le film justement, où là on a mis tout le monde. Garçons et filles, les garçons qui répondent aux filles et inversement. Et alors, qu'est-ce que le chant apporte selon vous ? Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que l'histoire est écrite, très bien écrite, il y a un scénario, il y a des paroles, etc. Le moment où c'est vraiment l'essence de la comédie musicale que je vous invite à commenter. Qu'est-ce que le chant permet de dire qu'un dialogue ne permettrait pas de dire ? Alors, il y a deux choses dans ce que je vais dire. Il y a premièrement, ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'histoire de la chorégraphie qui fait avancer l'action. Les chansons font aussi avancer l'action. Les chansons sont très importantes dans West Side Story, tout simplement parce que, un, elles ont été écrites par Stephen Sondheim au niveau des paroles. Il faut savoir que West Side Story, je reviens tout petit peu en arrière, West Side Story a été écrit par 4 personnes et non pas juste Bernstein et Robbins. Il y a donc Jerome Robbins pour la chorégraphie, Leonard Bernstein pour la musique, Stephen Sondheim pour les paroles, les chansons, et Arthur Lorenz pour le livret. C'est le travail de 4 personnes et non pas d'une personne. C'est vrai que c'est l'idée de Jerome Robbins, mais c'est le travail de 4 personnes. Que fait une chanson dans la comédie musicale ? Oui, on viendra à la chorégraphie après, vraiment sur la chanson. C'est tout simple. Quand vous êtes en train de parler et que le fait de parler vous transverse, vous transporte, vous ce que vous voulez, vous êtes obligé de passer en mode chanson. C'est-à-dire que ce que vous dites, vous ne pouvez plus le dire en parlant, vous êtes obligé de le dire en chantant tellement c'est fort. Voilà, c'est ça la comédie. C'est le signe de l'intensité d'un propos. C'est une intensité. D'un sentiment. Vous êtes, absolument, intensité d'un sentiment. Et surtout le fait que vous devez absolument passer au mode chanter de manière à dire véritablement ce que vous avez au fond du cœur. Ça, c'est la définition de la comédie musicale. Et c'est complètement rousseauiste, puisque Rousseau pense que c'est le chant qui permet le mieux d'exprimer ce que nous ressentons. Mais bien sûr, parce que le chant mêlé avec la musique, bien entendu, parle au cœur du public. Il vous parle à vous en tant qu'acteur parce que justement vous êtes dans un moment où vous devez absolument parler puis chanter et le public le ressent aussi. Le public sait exactement aussi à quel moment vous allez commencer à chanter. C'est ça qui est formidable dans la comédie musicale. La chorégraphie. À présent, vous dites, moi j'aimerais bien que vous nous expliquiez comment West Side Story est la seule des comédies musicales, et ce qu'on retrouve dans le film aussi, à faire avancer l'histoire aussi par la chorégraphie. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? C'est tout simple. Vous avez 7 minutes de prologue, et puis vous avez bien compris qu'il s'agit de 2 bandes rivales qui se détestent. Et en 7 minutes de prologue, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un seul mot qui est dit, c'est « beat it » à la fin des 7 minutes. Et puis, il y a d'autres moments très importants. Il y a le moment du bal, bien entendu. On y arrive. On va y arriver, je sais, je vous connais, je savais qu'on préparait ça. Le moment du bal est très important. Parce que, bien entendu, les Tony et Maria originaux ne savaient pas véritablement danser. Donc, Jerome Robbins leur a appris une toute petite chorégraphie et ils tombent amoureux en chorégraphie. Il n'y a aucun mot, aucune parole de dite. Et ils tombent amoureux en faisant cette petite chorégraphie. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, sur la chorégraphie du bal, justement, on peut en dire très très long. Il faut savoir que les Jets et les Sharks ont travaillé séparément. C'est-à-dire que un groupe et l'autre ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. Vous avez Jerome Robbins qui a pris soin d'un groupe et Peter Gennaro, qui était le co-chorégraphe de Jerome Robbins, qui a travaillé avec l'autre groupe. Et c'est simplement à la fin des répétitions répétition, qu'on a mis les deux groupes ensemble dans la scène du bal et qu'ils ont vu ce que chaque groupe faisait. C'est une idée extraordinaire de ne pas savoir ce que l'autre va faire pour être surpris. Alors évidemment, ils ont été surpris en répétition, pas le soir de la première. Mais c'est formidable de penser que on va faire la surprise à l'autre groupe et voir leur tête. Je dirais même voir leur tronche, la tronche qu'ils tirent. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est une idée de Jerome Robbins. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Jerome Robbins était un génie. Et comme beaucoup de génies, absolument détestable. Totalement détestable. Au point d'être évincé du film. Voilà. Est-ce que c'est vrai pour le film aussi d'ailleurs, que les acteurs ne savaient pas ce que l'autre gang allait faire? Non, c'est très difficile pour le film parce que la préparation d'un film demande véritablement des répétitions très très pointues. Premièrement, parce que les journées de tournage sont monstrueusement chères. Et c'est pour ça que Jerome Robbins s'est fait virer d'ailleurs. Parce que il estimait que dans ce qu'il faisait, dans ce que faisaient les acteurs et surtout les danseurs, ce n'était pas parfait. Et donc la pellicule coûtait extrêmement cher et il s'est fait virer. C'est différent sur scène, bien entendu. Vous n'avez pas l'histoire de pellicule et vous n'avez pas l'histoire de appeler tous les techniciens, même s'il y a des techniciens sur scène, bien entendu. Mais monter un film, c'est autre chose que de monter une comédie musicale scénique. Êtes-vous prêt à ouvrir la porte du bal? Absolument, toujours, toujours, toujours. Et d'assister à la rencontre, la première rencontre entre Maria et Tony, Juliette et Roméo. Not thinking I'm someone else. I know you are not. Nous nous sommes déjà vus. C'est la première fois. Je savais que quelque chose d'exceptionnel allait arriver, devait arriver, mais ça c'est tellement beau. Mes mains sont toutes froides. Les vôtres aussi. Pas les pattes, américain. Nardo. Ne t'occupe pas de ma sœur. Ta sœur? Tu ne sais pas qu'il est de leur bande? Non. Il y a surtout une chose qui les intéresse chez les filles portoricaines. Tu n'es qu'un menteur. Plus tard, Tony. Allez, va-t'en. T'emmêle pas de chinois. Nardo, c'est ma première soirée. Maria, obéis. Tu es ma sœur en route. Maria. The most beautiful song I ever heard. Maria. Maria. Maria. Maria. All the beautiful sounds of the world in a single word. Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, I just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's music playing. À la question qu'apporte le chant à un très bon scénario, eh bien cette chanson peut-être répond, puisque le prénom de Maria résonne, et on voit bien ici que c'est à travers le chant que l'amour s'exprime, la façon de chanter ce prénom, même les paroles elles-mêmes qui sont comme un écrin pour ce prénom de Maria et la musique de Bernstein qui vient composer le tout. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce chant. C'est ça, c'est ce qu'on appelle un soliloque dans la comédie musicale, et il y en a beaucoup dans la comédie musicale américaine, bien entendu, parce que chaque personnage a toujours quelque chose à dire de personnel. Et on appelle ça un soliloque, c'est un monologue intérieur. Et lui, il vient de tomber amoureux de Maria. Et évidemment, il a qu'un seul prénom en tête. Il n'a que ce prénom. Et cette chanson, je le signale, est très difficile à chanter. Et donc, dans les auditions de Broadway, par exemple, on a eu beaucoup de mal à trouver un Tony qui pouvait chanter cette chanson, parce que Bernstein a composé quelque chose qui est vraiment avec des notes très très hautes. Mais d'ailleurs, comment Bernstein, qui était un chef d'orchestre classique, s'est-il retrouvé à composer une comédie musicale ? Alors, Bernstein n'est pas seulement un chef d'orchestre classique, c'est un grand compositeur. Et il a commencé à composer dans les années 30, fin des années 30, début des années 40. Il fait sa première comédie musicale avec Jerome Robbins qui s'appelle On the Town en 1944. Et ils s'apprécient mutuellement. Ils ont beaucoup travaillé ensemble. C'est-à-dire que, ça c'est des petites anecdotes que j'aime beaucoup, parce que Jerome Robbins travaillait derrière Leonard Bernstein qui était au piano et appuyait sur ses épaules pour lui dire « Là, il me faut véritablement quelque chose de très fort. Donc vas-y avec ta main droite ou vas-y avec ta main gauche. » Et ils travaillaient ensemble comme ça. Ils ont beaucoup, beaucoup travaillé ensemble comme ça. Et sur le fait que Maria tombe amoureuse de Tony et inversement, ouais. Cette petite musique, on la connaît tous. Pam, pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Il tombe amoureux sur cette musique-là. Je peux même vous faire la chorégraphie, mais dans le studio, mais personne ne le verrait. Ouais, je pourrais décrire, ne me tentez les pas. Les auditeurs ne le verraient pas. Mais vous êtes un ancien danseur, surtout Patrick Nedeau. Oui, je l'ai pas dit, mais si vous faites votre coming out à la radio. N'importe qui peut le faire. C'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué, Tony et Maria ne sont pas des danseurs, ce sont des chanteurs. Et en fait, il leur a appris une toute petite chorégraphie qui est toute simple, mais qui veut dire l'amour. Et donc, c'est ça qui est important. On a parlé des chansons qui font avancer l'action et qui expriment, mais véritablement, la chorégraphie exprime des choses. Elle exprime l'amour dans cette toute petite chorégraphie qui est magnifique. Et pourquoi vous avez arrêté de danser ? J'ai le droit. Ah, tout à fait. Mais ça m'intéresse. J'avais l'air tellement passionné par l'univers de la comédie musicale. J'ai pas totalement arrêté de danser puisque je prends toujours des cours de danse. Mais en fait, le métier de danseur est un métier difficile. Quand on passe la cinquantaine, on a peut-être envie de faire autre chose. C'était ce que j'avais envie de faire. Mais en tous les cas, j'ai beaucoup de chance. Ça me permet de commenter tout ça. Bah oui. Et d'avoir un œil de danseur et de voir à quel point, justement, Jerome Robbins a fait une toute petite chorégraphie simple qui peut être dansée par n'importe qui pour montrer justement qu'on tombe amoureux. Et de peut-être nous proposer un spectacle à la fin de cette émission. On avance dans le film, alors il faut quand même préciser que après cette rencontre va avoir lieu la scène du balcon en réalité, et que ce balcon, eh bien c'est pas le balcon de Vérone comme dans le texte de Shakespeare, mais ce sont ces fameux escaliers de secours qu'on associe aux immeubles new-yorkais. Vous voyez, ces escaliers... Fire escape, comme on dit en anglais. Voilà, en métal, hein, assez anguleux. Et elle se trouve en haut sur une sorte de passerelle et il est en bas. Et il y a vraiment ici là un clin d'œil direct à Roméo et Juliette. Bien sûr, il y a un clin d'œil direct à Roméo et Juliette. Et en fait, c'est même ce qui fait reconnaître l'affiche du film. L'affiche du spectacle est différente. Hein. C'est Tony et Maria qui sont dans les rues de New York. Mais l'affiche du film, tout le monde connaît cette affiche rouge avec les fire escapes, les escaliers de secours. Et en effet, c'est la scène du balcon. En effet, de toute façon, Arthur Lawrence, quand il écrit le livret de West Side Story, il a en tête certaines scènes de Roméo et Juliette, bien entendu, qu'il veut recréer d'une façon moderne. Et le balcon de Roméo et Juliette se transforme en escalier de secours. Avec l'intervention ensuite du personnage d'Anita, donc, qui va venir essayer de raisonner Maria, parce qu'il faut bien dire que chacun des groupes s'occupe aussi des membres de ces groupes. Tony a une place un peu à part dans les Jets, parce qu'il travaille déjà, en fait, lui n'est plus, il était l'ancien chef de gang, et finalement, depuis, il travaille dans un magasin. Et... Tony est rangé. Voilà. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne veut plus entendre parler de ces gangs. Il faut savoir que le dernier titre de West Side Story, avant de s'appeler West Side Story, c'était Gangway, à la manière des gangs. Jusqu'à Washington, c'est-à-dire la tournée d'essai qui précédait Broadway, le spectacle, c'est appelé Gangway à la manière des gangs. Donc il ne fait plus partie d'un gang, Tony. Finalement, il va finir par tuer Bernardo, bien entendu. Et c'est terrible, justement, parce que Maria doit continuer à l'aimer, tellement son amour est profond, doit continuer à l'aimer malgré ce meurtre, véritablement. Et Anita est là pour justement faire en sorte que Maria se réveille. Mais finalement, c'est Maria qui va réveiller Anita et qui va lui dire « Aide-moi s'il te plaît, je sais ce que tu as ressenti avec Bernardo, tu sais ce que je ressens pour mon Tony, aide-moi ». Et en fait, voilà, la scène d'après est une scène très dure, bien entendu, puisque Anita va presque se faire violer par les Jets. C'est une scène... insoutenable, hein, à regarder. Insoutenable. C'est vraiment... Et alors, petite anecdote sur Broadway, c'est Chita Rivera qui jouait le rôle d'Anita à Broadway. Elle a été traumatisée par cette scène parce que Jerome Robbins avait dit à ses Jets « Faites en sorte qu'elle ait vraiment peur ». Et elle a eu peur à la première répétition. Elle en parle encore à 87 ou 88 ans. Elle parle encore du moment où les Jets lui ont sauté dessus pour tenter de la violer. Mais ce serait inimaginable aujourd'hui. Totalement inimaginable, bien entendu. Et même à l'époque, bien entendu. Mais pour l'histoire, il y avait besoin de ça. Parce que finalement, Anita ne va pas aider Maria. Et c'est ce qui cause... la perte de tout le monde, la perte de Tony, et puis mais l'espoir à la fin, on va en reparler peut-être. Oh ouais, on garde la fin pour la fin, je vous propose. Mais le personnage d'Anita est vraiment intéressant parce que c'est quand même le personnage d'une femme très forte. Très forte. C'est quelqu'un qui a su surmonter sa peine pour pouvoir aider quelqu'un d'autre. Et puis, elle est conseillère. Vous savez, c'est le rôle de la nurse, en fait. Ou de la confidente. La confidente, ou dans toute la absolument. Et véritablement... on se retrouve devant un personnage qui est vraiment important dans la comédie musicale parce que c'est elle qui fait tout basculer à la fin. Elle fait tout basculer parce que finalement, elle ne tient pas sa promesse et arrive le drame. Voilà, alors avant qu'on arrive au drame, on va entendre la chanson qu'Anita chante à Maria pour le déconseiller de tomber amoureuse d'un homme comme Tony, « Boy Like That », juste avant... quelques secondes de Jacques Brel, la réaction de Jacques Brel une fois qu'il a vu la comédie musicale. Que pensez-vous de ce spectacle ? Moi, je trouve ça extraordinaire. Vraiment, je suis debout là, mais je suis vraiment sur les fesses. Je trouve ça extraordinaire. Il y a une mise au point d'abord qui me tue, une mise au point à laquelle on n'est pas habitué, en général de ce côté-ci, comme ils disent de l'autre côté. Et puis, il y a surtout la partition. Je crois que c'est une partition remarquable. C'est ce qui me frappe le plus, peut-être. C'est le point de vue d'un spécialiste. Merci, oui, Jacques Brel. Formation. Maria? Maria, it's Anita. Are you in there? Maria? Yes. Open the door. I need you. On va aller si loin qu'on ne nous retrouvera plus. Comment va-t-on faire? Doc nous prêtera sûrement un peu d'argent. Retrouvons-nous plutôt chez lui. Chez Doc? Oui, c'est là que je t'attendrai. Oh, Doc. Maria? Oui. Ne perds pas de temps. Maria? Je viens, Anita. Anita. Oh. Très bien. Tu sais maintenant. Et toi, tu ne sais encore rien. Il fait partie de leur bande. Non, Anita. Si. A boy like that would kill your brother. Forget that boy and find another. One of your own kind, stick to your own kind. A boy like that will give you sorrow. You'll meet another boy tomorrow. One of your own kind, stick to your own kind. A boy who kills cannot love. A boy who kills has no heart. And he's the boy who gets your love and gets your heart. Very smart, Maria, very smart. A boy like that wants one thing only. And when he's done, he'll leave you lonely. He'll murder your love, he murdered mine. Just wait and see, just wait, Maria, just wait and see. Anita, no, Anita, no. Ma fille, sors de ce lieu de mort, de contagion, de sommeil contre nature. Ton mari est là, gisant près de ton cœur. Ah, et ceci ? C'est une coupe qui étreint la main de mon bien-aimé. C'est ce poison, je le vois, qui a causé sa fin prématurée. Je veux baiser tes lèvres. Peut-être y trouverai-je un reste de poison dont le baume me fera mourir. Du bruit. Hâtons-nous donc. Oh, heureux poignard. Voici ton fourreau. Rouille en moi et laisse-moi mourir. Alors que Juliette se suicide, se donne la mort sur le corps de son amoureux, on l'entend, hein, la flèche qu'elle, avec laquelle elle se transperce le ventre, elle dit bien « rouille en moi et laisse-moi mourir ». La fin du film et de la comédie musicale West Side Story diffère, Patrick Nideau, et justement grâce au personnage d'Anita. Bien sûr, à partir du moment où Anita a décidé de ne plus mettre en relation Maria et Tony, Chino, qui est donc le petit copain de Maria, mais Maria ne l'aime pas vraiment, va finir par tuer Tony. Et c'est important parce que justement, ce n'est pas un suicide puisqu'il se fait tuer. Et Maria va faire en sorte d'avoir les deux groupes qui vont véritablement soulever le corps de Tony, mort. Et c'est quand même un espoir à la fin de la comédie musicale, alors qu'à la fin de Roméo et Juliette, les deux amants sont morts. Ouais. Là, c'est un espoir, premièrement. Et puis, il y a une parole que j'aime énormément et qui, pour moi, est celle qui me donne des frissons. C'est quand elle hurle « Don't you touch him !» C'est-à-dire « Ne le touchez pas !» Elle veut rester avec lui un petit peu. Et puis, finalement, elle fait signe et ils vont emmener le corps de Tony. Mais ça donne un espoir. Et Leonard Bernstein, on lui a demandé d'écrire une chanson pour Maria, pour terminer la comédie musicale. Vous savez que les comédies musicales se terminent très souvent en chanson. On n'a pas de comédie musicale qui se termine par de la musique. Et Leonard Bernstein n'a jamais réussi à écrire une chanson pour Maria. Elle aurait pu chanter l'espoir, par exemple, ou son désespoir, justement. Non, ils ont préféré, surtout Leonard Bernstein n'arrivait pas à écrire cette chanson, ils ont préféré laisser la musique aller, et c'est une musique interminable. On a des accents, des petits accents, et finalement ça se termine. Le public à Broadway était en pleurs, véritablement, parce que la musique, véritablement, vous fait vibrer. Et c'est ça qui est formidable dans West Side Story, c'est cette fin qui n'est pas conventionnelle, avec, non pas en chanson, mais simplement en musique. Et c'est un cas unique, là encore. C'est un cas assez unique, absolument. On termine toujours en chanson avec, à la fin, pratiquement un... Alors que West Side Story, non. C'est une fin totalement interminable. Et le public, d'ailleurs, lors des premières représentations à Broadway... Le public a attendu au moins 30 ou 40 secondes avant d'applaudir. C'est-à-dire que la musique entre en vous, la musique fait en sorte que vous êtes véritablement touché et vous laissez les vibrations de la musique aller jusqu'au bout et vous applaudissez. Et la plupart des critiques ont dit « les gens n'ont pas applaudi tout de suite ». Les gens ont pleuré d'abord, puis applaudi. Ça, c'est merveilleux. Eh bien, nous aussi, nous allons terminer l'émission non pas en chanson, mais en musique, car nous sommes aussi habitués à terminer ces émissions en chanson. Mais avant cela, quand même, Patrick Nideau en a parlé toute l'émission. Écoutons-le, Leonard Bernstein lui-même, qui parle de son travail pour West Side Story. C'est une archive du 21 novembre 1981, dans laquelle il dit toute sa fierté de cette composition. Je considère un œuvre très important, et un œuvre, pas des chansons. Il y a là-dedans beaucoup de 12-tone music, dodécaphonique. Il y a des fugues très sérieuses et beaucoup de musique de ballet, quasi symphonique et très soigneusement intégrée comme une partition. C'est une œuvre et j'en suis très fier. Song.

Rendez-vous à 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.